بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Nous continuons nos cours de fiqh inshallah ta'ala, et notamment l'explication de ce livre Manhaj al-Salikin, écrit par l'imam al-Allama Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et nous étions arrivés au chapitre concernant at-tayammum, et nous sommes arrêtés au hadith que l'auteur du livre utilise pour justifier le caractère légiféré du tayammum. Et il dit an Jabir anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya qabli nusirtu bir-ru'b masirata shahr wa ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه. وكي مونسيون ici pour justifier At-Tayammum, après avoir mentionné le verset dans Surat Al-Ma'ida, le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 choses m'ont été données, qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. Ani hadhi min khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. يعني أن الله اختص به وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, c'est les spécificités, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme spécificité au prophète صلى الله عليه وسلم uniquement, et à personne d'autre. Et là il en cite 5 dans ce hadith, mais elles sont très nombreuses. Des livres entiers ont été écrits sur Al-Khasa'is, sur les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des volumes et des volumes ont été écrits sur ce sujet. Mais là, le hadith en mentionne 5 parmi ces spécificités. Parmi ces spécificités, donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal lui a donné ou lui donnera, hein, parce que lorsqu'il mentionne le hadith, hein, ça n'a pas été encore... Ce n'est pas arrivé, mais il lui a donné la victoire sur ses ennemis, ou plutôt, il a donné le fait que ses ennemis aient peur de lui sur une distance de 1 mois. Yani, sur une distance de 1 mois, les musulmans sont en paix, ils ne craignent personne. Également, la terre, et c'est ça le shahid, yani, c'est ça le morceau du hadith pour lequel l'imam a cité le hadith, c'est que la terre m'a été donnée comme lieu de prière et comme moyen de purification. إِذَا جِئْتُ فِي أَيِّ مَكَانٍ وَمَا وَجَدْتُ مَا وَلَا مَسْجِدًا فَأَتَيَمَّمُ وَأُصَلِّي وَذَا يَدُلُّ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا يَجُوزُ التَّيَمُّم بِهَا ما كان من أصل الأرض كالرمال والتراب والطين والحجر وغير ذلك. C'est-à-dire, dans n'importe quel endroit où je me trouve, et que je ne trouve pas d'eau ni de mosquée, alors je fais le tayammum et je prie là où je suis. Les communautés précédentes devaient prier obligatoirement dans leur lieu de prière. dans leur lieu de prière. Mais la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut prier n'importe où sur terre. La terre entière est un lieu de prière, excepté bien sûr les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier. Mais sinon, là où tu te trouves, dans la brousse, en ville, hein, n'importe où, tu peux prier. Également, tu peux faire le tayammum avec n'importe quoi provenant de la terre, du sable, des pierres, des cailloux, des rochers, hein, tout ce qui provient à la base de la terre. Tu peux faire le tayammum avec. D'accord ? قال الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا صعيدا ومكان على وجه الأرض ولهذا يؤكد العلماء على ذلك لما ذهب إلى تبوك في سنة التاسعة لقتال الروم معروف أن الذهاب إلى تبوك الطريق كله رمال ليس تراب والرمال يختلف من التراب فما توضؤوا بالماء لأن قد يحتاج إليه بل تيمموا وهذا دليل على أن المقصود بالصعيد كل ما كان على وجه الأرض من أصلها. Et donc il n'est pas conditionné que ça soit une pierre comme certains pensent, hein? Mais Allah dit فتيمموا صعيدا, hein? Et faites le tayammum avec الصعيد. As-sa'id, c'est tout ce qui se trouve à la surface de la terre, qui provient de la terre. Et ce qui vient confirmer ceci, comme ont mentionné les ulema, c'est quand les musulmans sont partis à la bataille de Tabouk, qui se trouve où? Hein? À Mecca? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Hein? Rome, yani Rome, c'est un qawm. Rome, qawm Rome. Hein, c'est un qawm, c'est un peuple. Mais Tabouk, c'est où? Sud de Mecca. Qui dit quoi? Non, mais le Ghazwa, il est contre Ar-Rum. Hein? Al-Adou? Hein? Ar-Rum. Non, les Byzantins. Hein? Eh ouais. Mais qui n'aïna le Makan, Tabouk? Aïna Tabouk? Tabouk, c'est au nord de Médine. Hein, c'est en direction du Shem. Hein, c'est pour ça, barakallahu fik, il se dirigeait à Tabouk pour combattre qui? Les Romains. Et on a parlé, vous n'avez pas d'excuses, mes frères, parce qu'on a parlé de Tabouk dans quelle histoire? L'histoire de Ka'b ibn Malik. Lorsqu'il a déserté l'armée qui se rendait à Tabouk. En quelle année? 9. Ahsantoum. Hein? On n'a pas dit à ce moment-là. On revient à l'enregistrement pour voir si on n'a pas dit c'est où Tabouk. Al-Muhim, Tabouk, ça existe encore Tabouk, c'est une ville. Tabouk, c'est hein, à des centaines de kilomètres de Médine au nord, en direction du Shem. Et donc les musulmans allaient rencontrer qui? Ar-Rum. Ar-Rum, attention, hein, certains traduisent par les Romains, mais ce qui est plus juste, c'est les Byzantins. Les Byzantins. Les Byzantins étaient qui? C'était les Romains, mais qui étaient d'Orient, les Romains d'Orient. D'accord, qu'on appelle les Byzantins. Al-Muhim. Et pourquoi on mentionne ceci? Parce que la route de Médine jusqu'à Tabouk, elle est faite de quoi? De rimal, de sable. Et non pas de pierre. D'accord? Et donc les musulmans avaient peu d'eau avec eux. C'était une période de sécheresse, de grandes difficultés. C'est pour ça qu'on l'avait mentionné dans l'histoire de Ka'b ibn Malik. Hein? Le voyage était difficile. C'était dur, hein? Pour ça les munafiqouns ne sont pas partis. Et donc il n'y avait pas de terre sur cette route, mais c'était du sable. Et les musulmans ont fait le tayammum. On fait le tayammum pour économiser l'eau, hein, pour boire, etc. Ils n'ont pas fait les ablutions. Donc ça prouve que quoi? Tout ce qui est sur hein, la surface de la terre, qui provient de la terre, est utilisable pour faire le tayammum. Ensuite, il mentionne hein, le reste des rasa'is, hein, des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas vraiment le sujet du cours, hein, le fait que le prophète, on lui a donné, il lui a été légiféré quoi? Al-Ghanaim, le butin. C'est-à-dire lorsqu'il y a une guerre et que les musulmans gagnent contre l'ennemi, ils peuvent prendre hein, les biens de l'ennemi. Les armes, les chevaux, les chameaux, etc. Hein? Alors qu'avant, Ceci était interdit aux autres prophètes. Hein? Également, il lui a été donné al-shafa'a. Al-shafa'a al-uzma. La shafa'a, c'est quoi? L'intercession. Yom al-qiyama. Pareil, si on commence à parler du hadith de l'intercession, on va parler que de ça. Mais vous savez tous qu'à la fin, au yom al-qiyama, lorsque les gens attendront le jugement, hein, ils iront voir les messagers. Hein, en premier, Adam parmi les prophètes. Et ensuite, Nuh, hein, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui intercédera pour sa communauté. Ce qu'on appelle al-shafa'a, al-uzma, hein, al-maqam, al-mahmoud. Et la cinquième spécificité qu'il cite dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est que les messagers avant lui ou les prophètes avant lui étaient envoyés à leur peuple uniquement. Alors que lui, il a été envoyé à tous les gens. Hein? Son peuple et autre que son peuple. Al-Muhim. Ça rentre dans Al-Khasa'is. وَمَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَال لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَوَّلًا أَنْ يُصَلِّيَ. Donc maintenant, il sort du sujet du tayammum. On a fini le tayammum. C'est dommage qu'on n'a pas fini la semaine dernière. On aurait... Al-Muhim. Il dit, et celui qui est en état d'impureté mineure. Al-Hadath al-Asghar. Il ne lui est pas permis, premièrement, comme vous le savez tous, de prier. Hein? De prier. La yajuz an yusalliya wa huwa ala al-hadath wa huwa bil ittifaq. Hein? Ça, par le consensus des savants, il n'y a personne qui va dire le contraire. Hein? Il n'est pas permis à une personne de prier et il est en état d'impureté mineure. Hein? La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière d'un d'entre vous s'il perd ses ablutions jusqu'à qu'il fasse les ablutions. Thaniyan wa la an yatufa bil bayt. Il n'est pas permis non plus de quoi? De faire at-tawaf autour de la maison, yani de la Kaaba. Comme on l'a déjà mentionné auparavant, mes frères, sachez, hein, et propagez cela, hein, qu'il est interdit, la yajouz, haram, de faire n'importe quel tawaf autour de n'importe quelle chose, excepté la Kaaba. Dans l'islam, il n'y a aucun tawaf permis, excepté le tawaf autour de la Kaaba. On ne fait pas le tawaf autour des tombes. On ne fait pas le tawaf autour d'une quelconque mosquée. On ne fait pas le tawaf autour d'un mausolée. Malheureusement, ceci est pratiqué dans certains pays, hein, où les gens ils font le tawaf autour des tombes, autour des mosquées, autour des mausolées. A'oudou billah. Le seul tawaf légiféré et permis, c'est le tawaf autour de la Kaaba. Ici, l'auteur mentionne, hein, qu'il n'est pas permis de faire le tawaf si on n'a pas les ablutions. Fil haqiqa, fi hadhihi al-mas'ala, hein, khilaf bayna al-ulama. En réalité, hein, concernant ce sujet, il y a une divergence chez les savants. Hein, est-ce qu'il doit avoir les ablutions ou non pour faire le tawaf? Al-Jumhur, la majorité des savants, ils disent na'am. On doit avoir les ablutions pour faire le tawaf. Pourquoi? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam at-tawaf bil bayt salat. Le tawaf autour de la maison, c'est une prière. Donc ils ont dit, pour la prière, on doit avoir les ablutions. Donc, il est obligatoire d'avoir les ablutions pour le tawaf. Hein? Et c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est l'avis le meilleur dans la mesure où c'est l'avis celui qui te fait sortir du rilef, qui te fait sortir de la divergence. Le plus sécurisé, façon de parler. Tu fais le tawaf, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, t'es serein. T'as vu? Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est l'avis le plus... sécurisé, façon de parler, que c'est forcément la vie le plus la vie correcte, d'accord? Là on dit c'est la vie le plus juste dans la mesure où c'est celui qui te fait sortir de la divergence et qui te permet d'être serein. Mais ceux qui mentionnent que les ablutions ne sont pas une condition pour le tawaf, leur avis est également fort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Tayyib, le prophète a dit, At-tawaf bil-bayt salah. Pourquoi prenez-vous que la condition des ablutions pour le tawaf? N'est-ce pas que la salah, il y a istiqbal al-qibla, se mettre en direction de la qibla? Et quand tu fais le tawaf, tu n'es pas en direction de la qibla, tu marches comme ça, la qibla, la Kaaba est sur ta gauche, n'est-ce pas? N'est-ce pas également que dans la salah, il y a le rukou', le sujoud, ça? Quand tu fais tawaf, tu ne fais pas le rukou', le sujoud. Pourquoi vous avez pris que, hein, les ulama, ils vont dire qu'ils ont cet avis, pourquoi vous avez pris que les ablutions, que la pureté? Ils vont dire hadith Aïcha. Ou Aïcha, elle n'a pas pu faire le tawaf pendant le hajj parce qu'elle était en état de monstru. Mais les autres, ils vont dire non. Mais là, c'est un état de monstru. C'est la grande impureté. Et non pas la petite impureté. Sachant que la majorité des savants disent que la femme qui est en grande impureté n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée. Et la Kaaba se trouve dans la mosquée. Hein? Donc, certains savants disent qu'il n'y a pas de preuve concrète qui vient dire qu'il faut les ablutions pour la prière, pour le tawaf. Al-muhim, al-khulasa, en résumé, sans rentrer trop dans les détails, hein, on dit oui, il faut les ablutions afin, hein, d'être plus serein dans son avis et de sortir de la divergence. Mais si quelqu'un, après avoir étudié le sujet, après s'être basé sur la parole des savants de l'islam, de certains savants de l'islam, fait le tawaf, perd ses ablutions et continue, on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui dire, Itaqillah, retourne ton tawaf. Non, il a son avis. Il a des imams avec lui. Hein? Il se base sur des preuves. C'est son avis, c'est un sujet de fiqh. Ils ont divergé. Et c'est son avis, d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Taïeb. Et subhanallah, hein, ça me fait penser à une anecdote. Hein, lors de mon premier hajj, lors du tawaf, qu'on appelle tawaf al-wada'a, c'est le tawaf que tu dois faire quand tu quittes Mekka après le hajj. Ça, c'est obligatoire dans le hajj. J'ai perdu mes ablutions dans le tawaf. Et un autre frère, plus tard, j'ai appris qu'il a eu le même problème. Quand je me rends... remettez-vous les choses dans le contexte, mes frères. Le hajj, pèlerinage, des millions de personnes. Dans un petit endroit, tous ensemble, on part tous en même temps. Une foule immense. Une fatigue depuis 10 jours, 7 jours, t'es là, fais le hajj, t'es fatigué. Il n'y a qu'une chose que tu veux, c'est quoi? Rentrer chez toi, auprès des tiens. T'es fatigué, hein? J'ai fait le tawaf, j'ai perdu, j'ai quand même continué. Par ignorance, je pensais que le tawaf était valide. Jusqu'à que j'arrive au bus, où d'autres étudiants nous attendaient pour rentrer. Quand j'ai mentionné ce qui s'est passé à certains étudiants, ils m'ont dit, il faut que tu refasses. C'est pas bon. Le tawaf, tu peux pas le faire dans l'ablution. Subhanallah. On appelle un shir. Il y a un shir, il s'est passé ça. Il faut qu'il refasse. Le bus, il va partir, shir. Il le refait. On rappelle un deuxième shir. Et ça, c'est normalement, c'est une faute. Hein, quand tu cherches une fatwa, tu prends une fatwa, et tu demandes un shir, il donne une fatwa, alhamdoulilah. T'as pas à chercher la fatwa qui te convient. Deuxième faute que j'ai pour la jeunesse. J'appelle le deuxième shir, nanana. C'est bon, c'est pas grave, c'est bon. Ton tawaf il est valide parce que lui, ce deuxième shir, il voyait que c'est pas condition, que t'as pas besoin d'être subhanallah. Troisième shir, y'a shir, le shir il dit c'est pas grave, rentre à Médine et tu payes un sacrifice comme compensation. Chacun un avis. A'oudhou billah. Al-Muhim, le frère qui était avec moi qui est la même situation, on a dit Tayyib, allez-y avec le bus, partez. Nous on est retourné, on a refait un tawaf avec les gens avec la difficulté. Ensuite on a pris un taxi, on est parti, on est arrivé avant le bus à Médine, subhanallah. Parce que le bus, il mettait plus longtemps que le taxi. Al-Muhim, pour vous montrer la divergence sur le sujet. Tayyib. Ensuite, wala yamass al-mushaf. Troisième chose qui mentionne qu'il n'est pas permis de faire lorsqu'on est en état d'impureté mineure, de toucher le mushaf. Voilà, كذلك في خلاف. Ça aussi, il y a une divergence sur le fait de toucher le mushaf. La lecture, bil ittifaq, le fait de lire le Coran, et je n'ai pas les ablutions, la lecture, bil ittifaq, c'est permis. Selon le consensus des savants, il est permis de réciter le Coran même si on n'a pas les ablutions. C'est permis. Même si le mieux c'est d'avoir les ablutions, mais c'est permis. Mais toucher le mushaf, attention, quand on dit le mushaf, c'est le mushaf en arabe. Il n'y a que le Coran. C'est pas le tafsir, c'est pas la traduction dans une langue autre que l'arabe. C'est que le mushaf en langue arabe, comme le mushaf vert que vous connaissez. Donc certains, là, la majorité des savants, disent qu'il n'est pas permis de toucher le mushaf. Hein, et ils se basent sur le verset « La yamassuhu illa al-mutahharun » pardon. Hein, et ils ne le touchent que les purifiés. D'accord ? Donc ils disent là, les purifiés, c'est ceux qui ont les ablutions. T'as ceux qui disent non. Non, ici, ce qui est voulu, c'est qui ? Al-Malaïka. Ce qui est voulu, c'est le Malaïka, les anges. Et ce qui est voulu, ce n'est pas le Mus'haf. C'est quoi ? Louh al-Mahfouz. Pourquoi ? Parce que dans l'aya, c'est quoi l'aya ? Innahu la Qur'anun karim. Innahu la Qur'anun karim. Hein ? Fi Kitabin Maknoun. C'est quoi ? C'est quoi le Kitabin Maknoun ? Louh al-Mahfouz. Louh al-Mahfouz. Hein, là où toutes les destinées sont écrites. Et là où le Qur'an est écrit. Et ceux qui le touchent, là, yamassuhu illa al-mutahharun, c'est qui ? Les anges. Hein ? Et donc, ils disent ici, hein, si ça a été le Coran, en parlant des hommes, non pas le toucher, ils auraient dit, Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutahharun. Hein ? Et pas al-mutahharun. Tayyib. Donc, ils ont divergé sur la compréhension du verset. D'accord ? Al-Muhim, comme pour le sujet précédent, qu'est-ce que nous disons, hein, pour sortir de la divergence, nous disons que avoir les ablutions, hein, est préférable ou est obligatoire pour toucher le mushaf. Taïeb, comme ça on sort de la divergence. Encore une fois, on dit toucher, hein, on ne dit pas lire. La lecture, selon le consensus des savants, elle est permise sans les ablutions. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرب شيئا من القرآن. Et on rajoute à cela celui qui est en grande impureté, en état de janaba, comme on a étudié la dernière fois l'état de janaba, quand l'homme a eu un rapport ou quand les deux circoncisions se sont touchées ou quand le mani, hein, le sperme est sorti ou quand que ce soit avec le rapport ou autre. Il n'est pas permis, là, à ce moment-là, de lire quelque chose du Coran. Si, par exemple, tu es en état de janaba, là, ce coup-là, tu ne peux pas lire le Coran. Hein? Binisbati al-junub, sawa kana rajul aw imra, la yaqra. Yajibu an yaghtasila. Donc, celui qui est en état de grande impureté, il est obligatoire de se laver avant de réciter le Coran. D'accord ? Et certains ulema ont différencié entre al-junub, celui qui est en état de grande impureté, yani celui qui a un rapport, celui qui a le mani est sorti, et la femme qui a ses menstrues. Et la femme qui a ses menstrues. Ils disent que la femme qui a ses menstrues, en cas de nécessité, elle peut lire le Coran, comme si elle a peur d'oublier, par exemple. Elle a peur d'oublier le Coran, alors elle le récite. Et pourquoi il y a une différence entre la femme qui a ses menstrues et celui qui est en état de janaba ? Qui sait la réponse ? Parce que c'est involontaire. Ah, menstrue, c'est involontaire, tu peux rien faire. La femme, elle a ses menstrues, elle peut rien faire. Mais celui qui est en état de janaba, qu'est-ce qu'il fait ? Tu veux lire Coran, prends ta douche. Et c'est fini. Mais là, c'est la femme qui a ses menstrues, elle peut rien faire. Donc voilà pourquoi ils ont dit qu'il est permis à la femme qui a ses menstrues de lire le Coran en cas de nécessité, c'est-à-dire si elle a peur, par exemple, d'oublier, hein, ce qu'elle avait appris. وَلَا يَلْبُثُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا وُدُو. Deuxième chose, pour celui qui est en état de janaba, il ne doit pas rester dans la mosquée sans les ablutions. Là, pareil, divergence. Maintenant, ça revient à vous, mes frères. Est-ce que vous voulez qu'on développe la divergence ou juste on fait le khulasa ? Hein ? Pas d'avis ? Non, on va faire le khulasa pour tout alors. Comme vous voulez, parce que là j'ai le détail. Inch'Allah, on va faire rouler ça pour le fait de rester à la mosquée. Et docteur Diop, hafidhahullah ta'ala, a déjà parlé dans son cours concernant les femmes. Concernant ce sujet, il y a quatre avis. Quatre avis. Premier avis, l'interdiction de rester à la mosquée, debout, assis, couché, interdit. Excepté le fait de traverser la mosquée. Excepté le fait de traverser la mosquée. Hein? Et ceux qui disent ça, ils se basent, hein, c'est surtout Madhab Shafi'i, se basent sur la parole « Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu s-salat wa antum sukara » hatta ta'lamu ma taquloun wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu. Ô vous qui croyez, hein, ne vous approchez pas de la prière et vous êtes ivre, et vous êtes ivre jusqu'à que vous dites, jusqu'à que vous savez ce que vous dites. Pourquoi il dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala? Mais comment ça? Sachez qu'au début de l'islam, l'alcool était permis. L'alcool n'a pas été interdit directement, mais elle a eu des étapes. Au début, elle était permise. Puis elle était interdite pour la prière. Puis elle était interdite complètement, l'alcool. Petit à petit, hein, l'interdiction était totale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un jour, un homme était ivre et il a prié. Il a prié. Et il a récité Surat al-Kafirun. Et il a dit A'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Au lieu de La a'budu ma ta'budun. Au lieu de dire je n'adore pas ce que vous adorez, il a dit j'adore ce que vous adorez. À cause de quoi? De l'ivresse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset: ne vous approchez pas de la prière si vous êtes ivre, jusqu'à que vous savez ce que vous dites. Hein? Et non plus en état de grande impureté, excepté le voyageur qui passe jusqu'à... Ou plutôt là, la traduction du verset, elle va dépendre de l'avis que tu vas choisir, donc vous allez comprendre. Jusqu'à que tu te laves. Donc ça, c'est l'avis, hein, de ceux qui disent l'interdit de rester à la mosquée, on peut seulement passer. Hein, s'il y a un besoin... D'accord. Également, il se base sur un hadith. Hadith de Jasra bint Dajaja, qui rapporte que Aïcha radiallahu anha, un rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wajjihu hadhihi al-buyut 'an al-masjid, fa inni la uhillu al-masjid li ha'id wa li junub. Rawahu Abu Daoud. Elle a dit, dirigez-vous vers les maisons au lieu de la mosquée, hein, car je ne permets pas dans la mosquée qu'il y ait une femme en état de menstrue ou quelqu'un qui est en état de janaba, de grande impureté. Comme l'a rapporté Abu Daoud. Ensuite, il y a l'avis, le même avis que le premier. Mais le deuxième avis dit que si tu as un besoin, comme déposer quelque chose, prendre quelque chose, hein, tu peux aller à la mosquée. Et tu peux rester à la mosquée si tu fais tes ablutions. Et ça, c'est l'avis de l'auteur. Il dit « Wala yalbuthu fil majid bila wudu ». Mais si tu fais tes ablutions, même si tu es en état de janaba, tu peux rester dans la mosquée. Pourquoi? Parce que les ablutions ont diminué un peu, hein, en quelque sorte, l'état de janaba. Malgré le fait que tu es toujours en état de janaba, tu ne peux pas prier. Mais selon eux, tu peux rester, hein, dans la mosquée. Ça, c'est l'avis des Hanabila, de ceux qui suivent l'imam Ahmed, hein, de Ishaq ibn Rawiya et de Shir al-Islam ibn Taymiyya. Donc, ils utilisent le verset, également le hadith qu'on vient de citer. Également, il mentionne, hein, le hadith de Aïcha que vous connaissez tous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nawilini al-khumra min al-masjid faqalat inni ha'id qala inna haydataki laysat fi yadik. Hein, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait à la mosquée, à sa femme Aïcha, donne-moi mon vêtement. Elle a dit je suis en état d'impureté, elle est en état de monstru. Il a dit quoi? Tes monstrues ne se trouvent pas dans ta main. D'accord. Donc elle lui a pu lui donner, hein, son vêtement. Également, il rapporte une parole de Ata ibn Yasar, hein, parmi les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons. Il a dit Ra'aytu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yajlisun fil masjid wa hum junub idha tawadda'u wudu as-salat. Il a dit Ata ibn Yasar, j'ai vu des hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam assis dans la mosquée, ils étaient en état d'impureté, de grande impureté, de janaba. Hein? Ils ont fait les ablutions, hein, les ablutions qu'ils font pour la prière, comme l'a rapporté Saïd ibn Mansour et le Bukhari dans son livre Tadir al-Kabir. Attention, Bukhari, il y a un livre que tout le monde connaît, Sahih Bukhari. Mais il y a d'autres livres. Et parmi ces livres, At-Tariq al-Kabir. Mais attention, les conditions qu'il a mises dans Sahih Bukhari ne sont pas les mêmes conditions dans les autres livres. Donc s'il mentionne un hadith dans At-Tariq al-Kabir, c'est, ah, c'est bon, le Bukhari, c'est Bukhari. Non, là, ce n'est pas les mêmes conditions, il faut vérifier. Dans le Bukhari, alhamdoulilah, on ferme les yeux, on avance. Dans Sahih Bukhari. Mais dans ses autres livres, on revérifie. Parce qu'il n'a pas mis les mêmes conditions d'authentification. Al-Muhim, ici, on voit que les Sahaba restaient dans la mosquée en état de janaba, mais ils avaient fait les ablutions pour rester. Troisième avis, interdiction totale de rester dans la mosquée, de traverser, etc. Ça, c'est l'avis des Al-Hanafiya ou Al-Malikiya. D'accord ? Et ils se basent pareil sur le verset et sur le hadith de Jasra. Et Abint Dajaja également, hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à Ali ibn Abi Talib, Ya Ali, la yahillu li ahad yujnib fi hadha masjid ghayli wa ghaylik. Ghayli wa ghayluk. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Ali, il n'est pas permis à aucun qui est en état de grande impureté, d'impureté majeure, de rester dans la mosquée, excepté moi et toi. Comme l'a rapporté At-Tirmidhi, mais le hadith, il est da'if, il est faible. Il a été rendu faible par les savants de l'islam. Quatrième et dernier avis, la permission de rester dans la mosquée. Pour celui qui est en état de grande impureté et pour la femme qui a ses menstrues. Elle peut rester. Ils peuvent rester. Ça, c'est l'avis des Zahiriya. Également de Ibn Munzir. Et c'est l'avis de Sheikh Al-Albani, rahimahumullah. Zahiriya, on a dit, c'est entre guillemets un cinquième madhab. Ceux qui ont suivi Daoud al-Zahiri. Et qui eux prennent le texte apparent. D'accord ? Et parmi les plus grands savants de ce madhab, il y a qui ? Ibn, qu'on avait déjà cité. Ibn Hazm. Ibn Hazm dans l'Andalousie, ça vous parle ? Pas trop. Tout le monde dort ce soir. Khair, Inch'Allah. Et donc eux, ils se basent sur quoi ? Premièrement, ils disent que le hadith de Jasra est da'if. Le hadith de Jasra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il n'est pas permis ou je ne permets pas que la femme en état de menstrue ou ceux qui en a djanaba ils restent dans la mosquée. Ils ont dit da'if, il est faible. Et effectivement le hadith apparemment il est faible, comme l'a mentionné Sheikh Al-Albani. Également ils ont dit que le verset, ça ne veut pas dire que le voyageur, ça ne veut pas dire celui qui passe dans la mosquée en état de djanaba, il est permis pour lui. Non, là il dit c'est le voyageur, le voyageur qui n'a pas accès à l'eau comme le résident. Alors lui, il lui a permis de faire le tayammum et de prier. C'est ça qui est voulu par le verset. D'accord ? Et il rajoute une autre... Honnêtement, ils utilisent beaucoup de preuves qu'on ne peut pas citer parce qu'on a dit qu'on restait le khulasa malgré le fait que le khulasa c'est plus un khulasa. Également, il mentionne cette femme noire qui vivait dans la mosquée. Il y avait une femme noire qui vivait dans la mosquée, qui s'occupait de la mosquée. Elle était le khadima de la mosquée. Elle était la servante de la mosquée. Elle s'occupait de la propreté, etc. Elle habitait dans la mosquée. C'est une femme. N'est-ce pas que les femmes, c'est une femme qui a ses menstrues, etc. Est-ce que le prophète dit quand tu as des menstrues, tu sors, tu ne restes plus dans la mosquée? Non. Il ne lui a rien dit. Donc il dit ça, c'est une preuve que la femme elle peut rester dans la mosquée. Elle mourit. Le sujet, vous voyez, il n'est pas facile. Chaque avis, leur opinion est forte, leur preuve est forte. D'accord ? Et encore une fois, si on veut sortir de la divergence, celui qui est en état de grande impureté ou la femme en état de menstrue, ne rentre pas dans la mosquée. Wallahu ta'ala a'lam. J'ai essayé de dire ça. Mais des fois, tu as envie de faire plus. Wa tazidu al-ha'id wa nufasa annaha la tasum. Et on rajoute encore à cela concernant les femmes qui ont leur menstrue et les femmes qui ont leur lochi. Le lochi, c'est le sang qui sort après l'accouchement. Vous avez étudié ça avec docteur Mohamed Diop, hafidahullah. Il n'est pas permis pour celle-ci de jeûner. Wada bil ittifaq, bil ijma'. Ça, sur le consensus des savants, la femme qui est en état de menstrue, il est interdit qu'elle jeûne. Et il est interdit d'avoir un rapport intime avec elle. Il est interdit d'avoir un rapport avec la femme qui a ses menstrues ou c'est Loshi. Hein? Et voilà, talaquha. Et il n'est pas permis de la divorcer. La femme qui en est un menstru, on n'a pas le droit de la divorcer. Hein? Dans la mesure où on n'a pas le droit de mentionner le divorce, hein, sur cette femme. Lakin, hawada bi hadith ibn Umar. Ça, c'est la preuve, c'est le hadith d'Ibn Umar pour le talaq, pour le divorce. Quant au jeu, au fait qu'il n'a pas. Elle a fumé là. Quant au fait qu'elle n'a pas le droit de jeûner et qu'elle n'a pas le droit, que son mari n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle, ça c'est bilijma, le consensus des savants. Concernant le talaq, hein, le divorce, également, les savants sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à l'homme de divorcer sa femme en état de menstru. Mais s'il prononce quand même divorce, c'est pas permis. Mais est-ce que le divorce il a lieu? Ah, bonne question. Hein? Et effectivement, as-sawab annahu yaqa wa hadha madhhab al-imma al-arba'. Et ce qui est juste, c'est que c'est pas permis de le faire, mais s'il prononce le divorce pendant ses années menstruelles, le divorce est effectif. Selon l'avis des quatre écoles. D'accord? Wa qala ibn Abd al-Barr ما قال بعدم وقوع الطلاق إلا المعتزلة والروافد والخوارج. Ibn Abd al-Barr, le grand savant de l'Andalous, hein, Abu Amr, hein, Ibn Abd al-Barr, hein, parmi les savants maliki qui vivaient en Andalous et qui est mort en 463, hein, il a dit, personne a dit que le divorce ne prend pas effet excepté le Mu'tazila ou le Rawafid ou le Khawarij, yani les sectes égarées, hein, parmi les sectes égarées de l'islam. C'est l'adhan, on va devoir s'arrêter là. Après l'adhan. On répond à la question après l'adhan. Aussi, il y a une question de nos sœurs la semaine dernière qui a posé. J'ai eu le papier trop tard. On va la répondre après l'adhan, Inch'Allah. Et il nous restera la prochaine fois le chapitre concernant les menstrues. Alhamdoulilah, le chapitre concernant les menstrues, normalement vous l'avez étudié en détail avec Dr Mohamed Diop, hafidhahullah ta'ala. Là, on va le voir de façon très résumée et on aura terminé ainsi le chapitre de la purification. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Jazakumullah khairan.